Il y a des jours comme ça où tout semble vouloir te détruire. Quand tu ne sais plus comment faire pour éviter les soupirs, il n'y a rien pour te donner un peu de rose à ta vie. Seulement de quoi te faire pleurer et te passer tes envies. Tu voudrais juste te faire passer, croire que demain tout ira bien. Mais tu ne fais que t'enfoncer des souvenirs un peu lointains. Le rêve est là mais pas l'envie de respirer le grand air. Juste rester dans ta coquille et éviter la lumière. Et si je savais simplement te redonner un peu d'espoir. Si je pouvais lentement te dire qu'il n'est pas trop tard. Et si je savais comment faire pour te redonner des désirs. Juste pouvoir regarder ton sourire qui nous éclaire. Ton sourire comme un repère, comme un message venant de toi. De ton visage tel un éclat. Ton sourire que rien ne change. Ton plaisir rien étrange. Que rien ne saurait passer. Tu crois à ce que tu fais. Un jour tu comprendras que tout n'est qu'une question de désir. Trouver le temps d'aller au bout. Trouver ta chance et la saisir. Rien ne saura t'empêcher de ressentir au fond de toi. Sentiment qu'est la fierté de nous donner ce que tu crois. Et si je savais simplement te redonner un peu d'espoir. Si je pouvais lentement te dire qu'il n'est pas trop tard. Et si je savais comment faire pour te redonner des désirs. Juste pouvoir regarder qui nous éclaire, ton sourire comme un repère, comme un message venant de toi, de ton visage tel un éclat. Ton sourire que rien ne change, ton plaisir en rien étrange, que rien ne serait effacé, que tu crois à ce que tu fais. Je voudrais juste te faire renaître un peu de ta force d'y croire, juste un peu te faire connaître. Le bonheur de ne pas savoir qu'il y a mille choses qui t'ennuient, que tu préfères oublier. Juste te revoir en vie, pouvoir enfin regarder. Ton sourire qui nous éclaire, ton sourire comme un repère, comme un essai venant de toi, de ton visage tel un éclat. Ton plaisir n'a rien étrange, que rien ne s'efface, que tu crois ce que tu fais. Ton sourire qui nous éclaire, ton sourire comme un repère, comme un message venant de toi, de ton visage tel un éclat. Ton sourire que rien ne change, ton plaisir n'a rien étrange, que rien ne s'efface, que tu crois ce que tu fais.